les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Disparu en 1981, comédien et metteur en scène doué et précoce, passé par l'atelier de Dulin, le théâtre Alfred Jarry d'Antonin Artaud et chez les Pitof, Raymond Rouleau fut, dans les années 30 et 40, une immense vedette de cinéma qui resta cependant toujours un homme de théâtre. S'il ne fallait citer qu'un titre de son imposante filmographie, on retiendrait sans doute le film de Jacques Becker, Falbala. Lui-même, réalisateur de quelques longs métrages, Les sorcières de Salem notamment, ce fut avant tout sur les planches que Raymond Rouleau exerça son talent de metteur en scène. On se souviendra qu'il fut le créateur de Huis clos de Sartre en 1944 et celui de Gigi à Broadway en 1951, avec dans le rôle-titre une jeune inconnue nommée Audrey Hepburn. Il fit aussi quelques incursions heureuses dans le lyrique, avec en particulier, en 1959, à l'Opéra de Paris, une mise en scène de Carmen qui appartient à la légende. Réputé pour l'attention particulière qu'il portait à la lumière et au décor de ses spectacles, on évoque souvent Raymond Rouleau comme un grand découvreur de talent et comme un passionné éclectique, pouvant passer de Brecht à Cocteau, d'Arthur Miller à Edmond Rostand, de Tennessee Williams à Victor Hugo, d'Aristophane à Jeancot, de Monterland à Oscar Wilde ou de Marcel Aimé à Pirandello. En 1973, c'était d'ailleurs pour sa mise en scène de Henri IV de Pirandello que Raymond Rouleau était l'invité de mise en scène, l'émission de Guy Dumur, à laquelle participait également son principal interprète, François Chaumette, l'écrivain Dominique Fernandez et le psychiatre Pierre Sadoul. Mise en scène avec Raymond Rouleau pour Henri IV de Pirandello, une émission diffusée la première fois le 28 décembre 1973 sur France Culture. Henri IV de Pirandello, mis en scène par Raymond Rouleau et interprété principalement par François Chaumette. Henri IV de Pirandello est une pièce qui a été jouée pour la première fois en Italie en 1922 et tout de suite après en France par Georges Pitoët. C'est certainement une des pièces les plus fortes et les plus intéressantes de Pirandello. Elle met en scène un homme qui se prend pour Henri IV, l'empereur d'Allemagne, qui vivait au XIe siècle, et singulièrement au moment où il se rend à Canossa, expression qui est passée, vous le savez, dans le vocabulaire commun, c'est-à-dire où il va s'humilier devant le pape Grégoire VII, son ennemi. Cet homme est un fou, et sa famille vient dans la pièce, vient pour voir où il en est, si on va pouvoir le guérir. Et parmi les gens qui arrivent le visiter, il y a la femme qu'il a aimée et à cause de laquelle vraisemblablement il est devenu fou, et également l'homme qui a provoqué sa folie en éperonnant le cheval sur lequel il montait au cours d'une mascarade où il était déguisé justement en Henri IV d'Allemagne, empereur d'Allemagne. Cet homme, 20 ans auparavant, est donc devenu fou et nous apprendrons au cours de la pièce qu'il y a longtemps qu'il n'est plus fou, qu'il a cessé d'être fou, mais qu'il continue à vivre sa folie. Et il va s'affronter avec les personnages qui sont venus le visiter, qui ont été d'abord obligés de se déguiser, puis qui apparaissent sous leur apparence normale, et il va naître là-dedans un conflit dont nous allons pouvoir parler dans un instant. C'est une pièce extrêmement complexe, car on ne sait pas véritablement si elle est sur la folie, sur l'homme qui veut jouer la folie, et Pirandello ne se prive pas, je dois dire, de ratiociner, peut-on dire, en tout cas de discuter sur ce qu'est la folie, ce que n'est pas la folie, qui est fou, qui ne l'est pas. C'est une pièce que l'on peut dire également shakespearienne. Je crois, pour ma part, que Pirandello, au fond, s'est posé probablement à un certain moment la question de savoir comment pouvait-on refaire une pièce shakespearienne. Et il a choisi ce moyen extrêmement complexe et qui, si vous voulez, rappelle les procédés qu'il avait utilisés un an auparavant, en 1921, pour les 6 personnages en quête d'auteur et qu'il allait nommer le théâtre dans le théâtre. Mais nous allons tout de suite demander à Raymond Rouleau, qui a mis cette pièce en scène, ce qui l'a attiré véritablement dans cette œuvre. Je ne crois pas que ce soit très exactement la critique ou l'éloge de la folie. Ce qui me touche particulièrement dans Pirandello, c'est qu'il traite de la solitude de l'homme, du désespoir. En ça, je suis de votre avis, c'est une pièce shakespearienne. En fait, tout est perdu d'avance. Et c'est un peu ce qui se passe dans les autres pièces de Pirandello. Nous avons toujours un personnage d'exception qui s'oppose à un milieu bourgeois. Je crois que au travers de toute son œuvre, il a constamment attaqué la petite et la grande bourgeoisie. Ce qui m'a touché le plus, c'est que cet homme qui n'a pas de nom, on l'appelle Henri IV, et je crois que là, il y a un symbole très net. Ce complet, puisqu'au bout, en somme, l'histoire s'articule de la manière suivante, pendant 12 ans, il est effectivement fou, et pendant 6 ans, il simule la folie. Et moi, c'est cette période-là qui m'a intéressé davantage. Je trouve admirable qu'un homme puisse, évidemment, c'est un mythe, n'est-ce pas, c'est un mythe dramatique, mais je trouve admirable qu'un homme puisse, pendant 6 ans, 24 heures sur 24, simuler la folie. Et qu'il ait eu besoin de cela, me paraît caractéristique. C'est l'abandon, c'est l'inadaptation au milieu, le refus d'un système quelconque, et surtout, je pense, une grande vague de poésie personnelle, un grand besoin de vivre dans un milieu choisi, délicat, raffiné. François Chaumette, en jouant ce rôle, vous héritez d'un lourd passé, en ce sens que certains qui ne sont plus très jeunes maintenant se souviennent de la fantastique interprétation de Villard en 1950. Et d'ailleurs, à cette époque-là, vous aviez remplacé Villard dans ce rôle, de telle sorte que c'est votre deuxième incarnation de Henri IV. Alors, évidemment, vous êtes un témoin privilégié, puisque vous pouvez comparer l'interprétation qu'a donnée André Barsac de cette pièce et celle qu'a donnée Raymond Rouleau et dont il vient de nous dire quelques mots. Comment vous sentez-vous, enfin, entre les deux personnages que vous avez incarnés ? C'est-à-dire que, pour dire les choses franchement, lorsque j'ai repris le rôle que jouait Villard dans la mise en scène de Barsac, je connaissais bien la représentation, puisque je jouais un des conseillers d'Henri IV. Je jouais Landolphe. Donc je connaissais bien la représentation, et lorsque j'ai repris le rôle, vous savez comment se passent les reprises de rôle. On chausse plus ou moins les pantoufles de la personne qui a joué le rôle avant vous. Et je suis donc entré dans le personnage, mais en même temps dans le costume de Villard. Ce qui m'a passionné dans le travail que nous avons fait avec Raymond Rouleau, c'est que il a réinventé avec moi, à partir de moi, il a réinventé le personnage qu'il voulait faire représenter. Et il me semble que la différence essentielle tient justement dans ce que disait Raymond Rouleau à l'instant, c'est qu'il a cherché à faire ressortir le côté déraciné et de l'homme dans l'impossibilité de se recycler après une période hors du monde, après cette vie hors du monde qu'il a eue pendant 12 ans, de par le fait des circonstances extérieures, quand il s'est retrouvé à l'état de santé, il s'est rendu compte en même temps qu'il était incapable de se recycler dans une vie normale. Et de là son drame intérieur, de là sa pauvreté, de là sa solitude. Vous interprétez presque, peut-on dire, deux personnages dans cette pièce, puisque dans la première partie, vous êtes fou, enfin du moins pour le public, vous apparaissez comme un fou, et c'est ensuite seulement que l'on apprendra que vous faites semblant d'être fou, n'est-ce pas ? Et il me semble, j'ai l'impression, que cette première partie doit être plus difficile à jouer, non, que la seconde. Elle est à la fois plus difficile et plus facile, en ce sens que vous vous rappelez ce que disent les personnages qui dialoguent avant l'entrée d'Henri IV et qui dialoguent sur Henri IV et qui rappellent ce qu'il était avant l'accident qui l'a rendu fou. On parle de lui comme d'un acteur, comme d'un homme exalté qui avait le sens de la représentation, etc. Donc cette première partie du personnage, la folie du personnage, si vous voulez, on peut faire appel à des moyens d'acteur. On peut jouer la folie de 36 façons différentes et on peut faire appel à des moyens extérieurs pour cela. Tandis que dans la seconde partie où on retrouve l'homme Henri IV, je crois que là, il faut vraiment puiser dans le potentiel mémoire et dans le potentiel humain que l'on peut avoir. Et c'est là que Raymond Rouleau m'a beaucoup aidé à retrouver en moi les réflexes humains qui pouvaient justifier l'attitude du personnage. À propos de ces moyens extérieurs, du moins de ces apparences extérieures du personnage d'Henri IV, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin vous avez sûrement vu les photographies de Georges Pitoëf. Oui. Et Georges Pitoëf était outrageusement maquillé, enfin avec un maquillage très apparent, comme d'ailleurs l'indique Pirandello. Exactement. Et vous, le vôtre est moins apparent. Il m'a semblé que vous êtes approché plus d'une solution, et Raymond Rouleau, d'ailleurs, nous allons en parler dans un instant, une solution plus réaliste du personnage. Oui, il est certain que nous avons marqué un petit peu le personnage physiquement, puisqu'il parle lui-même de sa teinture de cheveux, de son maquillage. Qui veut le conserver, je dis ça pour les auditeurs qui n'ont pas vu encore la pièce, et parce qu'il veut être figé, conservé dans sa propre jeunesse. Dans l'image des 26 ans qu'il avait au moment de l'accident. Et cela dit, il est certain que l'optique a changé depuis l'époque de Pitoëf, et que nous avons été obligés quand même de tenir compte des réflexes peut-être du public, et c'est pour ça que nous n'avons pas chargé outrageusement le maquillage. Mais rappelez-vous que Villard, lui, ne portait aucun maquillage du tout. Vous êtes approché d'une certaine idée que pouvait se faire le public, enfin actuellement, de cet Henri IV, et Raymond Rouleau, d'ailleurs vous êtes fidèle en cela, je crois, à vos précédentes mises en scène, vous avez voulu un décor extrêmement réaliste, c'est-à-dire que vous avez vraiment reconstitué ce qu'aurait pu être une villa italienne, moyenâgeuse, en 1920 et même un peu antérieurement, car je connais personnellement un château gothique comme ça qui a été bâti à la fin du siècle dernier, qui m'a beaucoup, beaucoup rappelé cette atmosphère, enfin, cette espèce d'atmosphère délirante, pesante, extrêmement lourde. C'est ça que vous avez voulu faire, nous sommes basés, le décorateur Carcano et moi, sur les maisons de Sarah Bernard, de La Douze, de Caruso, à l'époque. Je crois que la véritable innovation, c'était de le monter en 1920. C'est ça, oui. Il ne fallait vraiment résister à tout prix à l'envie de... Qu'est-ce que ça veut dire moderniser? Qu'est-ce que ça veut dire être dans le vent? Cette pièce a été écrite en 1920, il n'y avait aucune raison de la monter autrement. Elle a été voulue par l'auteur, qui me paraît être le principal personnage de toute cette aventure. Elle a été voulue en 1920, elle a été écrite en 1920, elle n'a pas du tout besoin de s'accommoder. Je dirais même qu'elle pourrait difficilement s'accommoder. Ce serait un anachronisme de la monter à notre époque. Nous avons pensé illustrer cette émission sur un grand auteur italien par l'ouverture du Don Carlos de Verdi, qui m'a semblé, enfin je ne sais pas, évoquer ce climat un peu à la fois de folie et de reconstitution historique qui était celle de Verdi et qui a été aussi justement, mais d'une façon tout à fait étrange, celle de Pirandello. Mais nous avons ici aussi, en dehors de Raymond Goulot et de François Chaumette que vous venez d'entendre, nous avons ici un spécialiste de la littérature italienne, et qui est Dominique Fernandez, et qui justement, cette année, fait un cours sur le théâtre de Pirandello à Rennes. Et j'aurais voulu savoir justement, en premier lieu, d'abord, si cette représentation l'avait satisfait, quel effet ça lui a fait, ce n'est pas la première fois, je pense, Dominique Fernandez, que vous voyez jouer Henri IV, mais quel effet ça vous a fait, vous qui expliquez ces textes, tout d'un coup, de les voir tout de même représentés, et dans une langue, j'allais dire, qui n'est pas la vôtre, puisque vous lisez plutôt les choses en italien. Un excellent effet, je trouve une représentation merveilleuse, et je conseille à tout le monde d'y aller, ça. Mmh. Oui. Ce qui m'a frappé, c'est, enfin, je ne sais pas si vous en parlez tout de suite, mais... C'est aussi un drame d'amour, n'est-ce pas? On dit toujours que c'est un drame de la folie, Henri IV, mais c'est quand même quelqu'un qui est devenu fou parce qu'il aimait trop une femme. Et là, il y a une idée très, très pirandellienne, n'est-ce pas? C'est que la femme qu'il a aimée, Mathilde, lui dit à un moment, c'est terrible pour une femme de lire dans les yeux d'un homme la promesse d'un amour éternel. C'est très beau, cette phrase. Oui, bien sûr. Et ça, c'est l'opposition qu'on trouve dans toutes les pièces de Pirandello entre la femme qui est mobile, qui change, et l'homme qui veut quelque chose de durable, éternel. C'est fondamental dans la dramaturgie pirandellienne, cette opposition. Et au fond, c'est un homme qui est devenu fou d'amour, mais fou réellement, littéralement. Mmh. Et à la fin, il se venge. C'est aussi sur une vengeance d'amour, puisqu'il tue, sous prétexte qu'il est fou, n'est-ce pas, il tue celui qui l'a supplanté auprès de cette femme. C'est ça, oui. Ça, c'est assez frappant, je trouve aussi. Est-ce que vous pensez, comme moi, que une pièce comme Henri IV de Pirandello s'inscrit justement dans la lignée des six personnages et dans ce qu'il a nommé le théâtre dans le théâtre? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est tout à fait à part, Henri IV, chez Pirandello. C'est la seule pièce shakespearienne, comme vous avez dit. Et c'est la seule pièce, d'ailleurs, autour d'un personnage. Je ne trouve pas que ce soit... Si, parce qu'il y a tout de même ce jeu également de l'illusion et de la réalité. C'est-à-dire, ce personnage qui est un personnage d'une autre époque, mais qui rentre dans notre époque. On est tout le temps jeté d'un côté et de l'autre, n'est-ce pas? De telle sorte que nous font le but de Pirandello... C'est d'arriver tout de même à nous faire croire que le théâtre, c'est la vérité. Et que peut-être que le théâtre est plus fort que la réalité. Oui. Non? Moi, j'aurais d'autres analogies avec les six personnages. Enfin, le père des six personnages qui est figé dans son moment. Parce qu'il a... Vécu une scène, oui. Quand il a failli coucher avec sa fille. Oui, oui. Vous rappelez? Et donc, on le taxe de ça. Enfin, il est taxé à jamais d'inceste, ou de semi-inceste, enfin... Et il se plaint de ça, justement, qu'on est figé pour une seconde qu'on a vécu, on reste éternellement toute sa vie celui qui a fait cette faute. Mmh. Et ça, c'est le thème d'Henri IV, qui est figé dans le moment de sa cavalcade, à jamais. Dans le premier cas, c'est la société qui a figé le père, et là, c'est la folie. Ça, c'est l'analogie, c'est le thème pirandellien du fait qu'on paye toute sa vie pour un moment vécu. Et Pirandello se révolte continuellement là-dessus, contre cette injustice qui fait qu'on est figé dans quelque chose qui était passager pour soi et qui reste éternel pour les autres. Il y a une autre analogie, il me semble, et que Raymond Rouleau, bien sûr, a très bien souligné, qui est la différence entre les personnages que l'on voit sur la scène. C'est-à-dire, par exemple, il y a Henri IV, ses conseillers, vêtus dans des costumes du XIe siècle, et ou soi-disant tel, et puis tout d'un coup, ces personnages qui arrivent d'ailleurs, de l'extérieur, et qui sont en costume moderne. Et de la même façon, dans les six personnages, par exemple, vous avez les comédiens qui sont en train de répéter une pièce, qui sont des comédiens, donc qui ont un certain comportement, puis tout d'un coup, les personnages qui arrivent et qui, eux, arrivent de la rue, enfin, qu'ils arrivent par un ascenseur ou non, qui arrivent de la rue, qui arrivent d'ailleurs, du monde de la vérité. Et là, ce contraste est très fort, non, pour un metteur en scène, je veux dire. Oui, mais il est inhérent au sujet, à la pièce. Je n'ai rien apporté de particulier. Non, mais il est intéressant, je veux dire, à mettre en scène. Oui, non. Les six personnages que j'avais vus monter par Georges Pitef apparaissaient par une trappe, mais éclairés d'une manière très particulière, les isolant complètement des autres personnages. C'était vraiment l'apparition d'un autre monde. Il venait d'un autre monde. Et ici, il est évident que cette frontière s'impose d'elle-même. Enfin, je ne vois pas comment on ne pouvait pas faire autrement. Comme vous l'avez dit, c'est Pirandello marque par là la différence entre le personnage principal et puis les provocateurs, qui sont les bourgeois, enfin toujours la société, les autres. C'est toujours comme ça. C'est d'ailleurs assez frappant, et ça m'a frappé peut-être davantage, plus dans cette représentation qu'autrefois, peut-être parce que nos esprits ont évolué, mais la satire sociale est très forte dans cette pièce. dans toutes les pièces de Pirandello, dans Chacun sa vérité, Laudisi, qui est le chef de la conspiration contre les Ponza et les Frolla, les personnages, encore une fois, qui sont des personnages qui viennent d'un autre monde, ont l'air de sortir d'un lac, n'est-ce pas? Et puis, tout ce grouillement d'une petite sous-préfecture, et la volupté de l'honneur, Baldovino, seul en face de toute la haute société italienne. Oui, je crois que... Oui, non, je pensais que François Chaumette pouvait dire quelque chose là-dessus, justement sur cette complexité, encore une fois, du personnage et de tous ces plans qui apparaissent dans la pièce. Non, je voulais simplement souligner ce que vient de souligner Raymond Rouleau, que Baldovino se trouve exactement dans la même situation par rapport à la société. Baldovino de la volupté de l'honneur... Il est seul. Oui. Il est seul. Il est comme seul. Henri IV est seul. Oui. Je voudrais que vous puissiez me dire encore, Dominique Fernandez ou Raymond Rouleau, la richesse tout de même, parce que c'était extraordinaire, parce que vous avez dit que c'était un drame d'amour. Raymond Rouleau dit que c'est la pièce de la solitude. Nous avons parlé de la satire sociale. Et il me semble qu'il y a aussi quand même cet aspect, cette opposition entre la raison et la folie, parce que jusqu'ici vous avez voulu un petit peu négliger ce qui est quand même le sujet principal de la pièce. Et là, peut-être que nous pourrions poser la question au dernier de nos invités, qui est le docteur Pierre Sadoul et qui est psychiatre. Et Pierre Sadoul, je pourrais vous demander, la première chose que je voudrais vous demander, c'est que, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un homme a pu devenir fou par une chute de cheval, d'abord, et ensuite, est-ce qu'il a pu demeurer fou et constant dans la même folie pendant si longtemps, pendant 12 ans, en tout cas? Je suis assez gêné pour répondre parce que cette forme de question que vous donnez fait référence certainement à la psychiatrie qui se pratiquait à cette époque. C'est là où c'est très intéressant. C'est-à-dire que la psychiatrie commençait à s'émanciper probablement de l'organicisme, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la grande époque de la nosographie. Comme le fait psychiatrique, disons, vers la fin du XVIIIe siècle, avec, disons, la reconnaissance et la protection du malade mental, la loi de 1838, tout ça en France, au niveau de la France, si vous voulez, les médecins psychiatres, pour avoir droit de citer comme les autres, avaient créé un langage particulier de nosographie, en mettant des syndromes, des symptômes, etc., comme leurs confrères. Enfin, c'est une démarche médicale pure, bon. Alors, vous répondre précisément sur est-ce que c'est possible, il y a des cas où ça a dû arriver. Mais moi, ce qui m'a frappé dans cette pièce, surtout, c'est le portrait qu'on a fait du psychiatre et justement les positions. Ah oui, mais ça, vous vous êtes senti visé. Non, justement, le psychiatre est un personnage très ridicule. Je ne voulais pas, justement, je ne pense pas que je me suis senti visé, même sur le plan, disons, de la corporation, si on pourrait le dire. Hein. C'est pas ça, c'est trop, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, mais surtout... Je dois dire pour les auditeurs qui ne vous voient pas, que vous n'avez pas l'apparence que Raymond Rouleau a donnée au docteur. J'ajoute un mot là, parce que le docteur dans la pièce se réfère au type du bouffon, la commedia dell'arte, et il n'a pas voulu faire un psychiatre. C'est vraiment le modèle du bouffon. D'ailleurs, en Italie, l'acteur qui fait le docteur parle en dialecte napolitain d'habitude, sur la tradition. Ah, ça c'est intéressant, oui. Pour qu'on reconnaisse. Pourquoi Raymond Rouleau se frotte les mains? Je me frotte les mains parce que j'avais voulu lui faire prendre à René Camoin l'accent marseillais. Ah, c'est exactement. Donc, c'est pas du tout. Psychiatre qu'il a voulu viser, c'est un type courant. Comme absolument. Le cas, oui. Bouffon, même que le Belcré, dit le baron, enfin l'amant de la... Oui, de Mathilde. C'est le trait de mélodrame, n'est-ce pas, qui provoque. Oui. Ça, ce sont vraiment des... Il se réfère à des types, Pirandello, je crois. Oui, mais dans la bouche de ce personnage... De ce psychiatre, il met, d'ailleurs, tout un vocabulaire de l'époque, justement, qui consiste à faire une mise en carte du fou, vous comprenez? À l'expliquer avec toutes les ficelles, hein? Comme si lui possédait ce savoir. D'ailleurs, on le traite de thaumaturge à la fin, le magicien qui va, etc. Enfin, on pousse jusqu'à l'extrême ce rôle du psychiatre qui pourrait dénouer ce fil. Enfin, finalement, rendre à Henri IV sa normalité. Et alors, d'une manière complètement aberrante, en lui faisant un choc. C'est-à-dire, c'est Laurel et Hardy presque, si vous voulez. C'est-à-dire que... Oui, mais je crois qu'il faut dire que Pirandello avait une femme folle, n'est-ce pas, qu'il avait, on va y venir. C'est très important. Elle, très important. Donc, il devait avoir quelque chose. J'ai pensé à ça souvent. C'est lourd. Oui. Moi, je crois que, de toute façon, Pirandello, qui a vécu avec une femme au moins paranoïaque, je ne peux pas dire si c'était plus. C'est-à-dire qu'elle avait un délire de jalousie, c'est une sorte de persécution. Bien. pour lui. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Fernandez, que quand on a, je crois que c'est quand il y a quelque chose qui l'a marqué dans sa vie, ça le marquera tout le temps. Bon, eh bien, il fait référence probablement dans sa vie à ceci, c'est qu'il a eu une femme dont il a eu des enfants, et il a été marqué pendant je ne sais pas combien d'années, 16 ans, je crois, il a vécu avec elle, avec une femme qui délirait, alors que lui était professeur dans une institution de jeunes filles en plus, donc le délire était alimenté tous les jours. Bon, il a vécu quelque chose d'effroyable, certainement, bien. Il a fallu, je pense, qu'il se récupère là-dedans. Il s'est récupéré au niveau d'Henri IV, probablement. C'est-à-dire, il a pu écrire quelque chose qui reproduisait, mais alors d'une manière tout à fait transposée, sa propre histoire, probablement. Et avec peut-être une espèce de culpabilité, parce que Pirandello a été très courageux vis-à-vis de sa femme, en ce sens qu'il l'a gardée auprès de lui, et qu'il ne s'est décidé à la faire enfermer qu'en 1917. Et c'est justement à cette date qu'il a véritablement commencé à écrire pour le théâtre. Il a été libéré, en quelque sorte, il avait plus de liberté, il s'est senti plus libre. Et peut-être qu'en même temps, il y a une espèce de culpabilité, puisque là, il défend, malgré tout, le fou contre les autres, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais alors ce qui est très, très important, c'est que les psychiatres à qui il a confié sa femme sont des gens qui l'ont gardé, car elle est morte très récemment, paraît-il. Oui, oui, oui, oui. Ils l'ont gardé dans l'état, ils ne l'ont pas guéri, si vous voulez. Alors que, justement, je crois qu'en stigmatisant ce, même en lui mettant un aspect de bouffon napolitain ou autre chose, avec ce discours un peu ridicule, certainement, il doit aussi se... Ah, c'est pas se venger, ce serait pas un mot, mais quand même, il y a quelque chose comme ça, en montrant un peu cet aspect très, très vain du pouvoir. Voilà, oui, mais à travers médical. Le docteur, il vise aussi le culte des faits. Oui. Parce que le médecin veut savoir des choses précises. Absolument, toujours. Comme exactement dans la pièce dont vous parliez, Chacun sa vérité. Rouleau. Je ne sais pas comment il s'appelle, il y en a qui veut savoir, mais c'est la femme de qui, c'est la fille de qui. Tous veulent savoir. Oui, et Pirandello, l'opinion publique veut connaître. Il raille toujours l'idée qu'on puisse avoir... qu'on puisse connaître des faits précis, parce que selon lui, la vraie vie est toujours fantasmatique pour Pirandello, qu'on soit fou ou pas, n'est-ce pas ? Et alors, en même temps, le coup du choc qui déclenche quelque chose, et puis du choc qui... ce docteur essaie, pense qu'il va pouvoir replacer Henri IV, le replacer à l'instant où il est devenu fou, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire une espèce de retour en arrière en provoquant une apparition, et qui va épouvanter d'ailleurs ce pauvre Henri IV, et menacé même de le rendre fou à nouveau. Alors si vous voulez, c'est très important parce que c'est une croyance populaire, le coup du choc qui rend fou et le coup du choc qui guérit. Bien. Alors, évidemment, si vous voulez, à l'heure actuelle, les psychiatres s'orientent beaucoup vers ce qu'on appelle la relation, la thérapeutique relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, un personnage qui souffrirait comme ça, à l'heure actuelle, ça prendrait des années, mais de relations, à un ou à plusieurs d'ailleurs, dans une équipe, enfin vous comprenez, et je parle même pas des médicaments qui sont encore la camisole chimique qui permet probablement de supporter des gens qui ont des comportements violents, alors qu'ici il s'agit de quelqu'un au contraire qui vit dans sa camisole toute faite, c'est-à-dire son château avec le décorum. Hein. Mais en fait, si vous voulez, c'est là où il y a 1920 et 1973, si vous voulez, c'est que à l'heure actuelle, on ne prendrait pas le problème de la folie comme ça. On le prendrait sur le plan, si vous voulez, de la souffrance individuelle et de comprendre ce qui se passe. Oh, la mia corte in vano, cercato quel che bramo, un uomo, un cor leal, io lo trovai, perché un uomo, perché allora il nome tu di re, sire, se alcun vari a te. Non più frate, ride dei innovator, in te son penetrati. Ce n'est pas la voix de François Chaumette que vous avez entendue dans Henri IV, hélas, dit François Chaumette, mais c'était Boris Christophe. Pour en revenir à cette pièce, est-ce que vous pensez que tout ce que dit Pirandello, alors, sur la folie, est-ce que par rapport à son psychiatre, justement, qui ne dit non pas des sottises, mais enfin du moins ce qui se disait à son époque, est-ce que tout de même ce que dit Pirandello, c'est-à-dire qui est fou, qui n'est pas fou, est-ce qu'il y a là une vérité profonde? Eh bien, il y a toute une tendance à l'heure actuelle, si vous voulez, qui, par exemple des psychiatres anglais comme Ronald Lang et Cooper, sont des gens qui, justement, refont, à travers la maladie de quelqu'un, ils essayent de refaire le trajet avec cette personne. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et ils en sont arrivés souvent à cette conclusion que la personne qui souffrait, finalement, était le symptôme d'une société. Micro-société, par exemple, la famille. Hein, et que, souvent, par, disons, alors une question de terrain personnel ou de conjoncture, enfin, beaucoup de choses peuvent jouer, il était, lui, l'expression d'un délire latent dans la famille. Et c'est pour ça que, dans l'histoire de Pirandello, il serait intéressant de voir, justement, quelles sont les conditions dans sa propre vie à lui qui ont été, disons, extrêmement pénibles et dures. D'abord, ce mariage avec une femme qui devient délirante comme ça. Je ne pense pas, au fond, qu'on puisse devenir fou comme ça, ex nihilo, si vous voulez. Par conséquent, nous sommes tous doués de perceptions inconscientes qui nous échappent. Et dans ce contexte de la civilisation et de la société sicilienne, le mariage tel qu'il a été pratiqué, etc., me paraît une question à essayer de comprendre. Dominique Fernandez a un mot à dire là-dessus, parce qu'il est l'auteur, il ne faut pas oublier, de Mer Méditerranée, et qui a été consacré beaucoup à la Sicile, qu'il a beaucoup étudié justement On oublie toujours que Pirandello est profondément sicilien, même dans le théâtre, qui est soi-disant plus cosmopolite. Mais Pirandello est quand même très très sicilien, et c'est pour ça que j'insistais sur le thème du trop d'amour et de la vengeance. Et Henri IV et ses conseillers, ce sont des mafioses, un peu, hein, il y a de ça, là. Oui. Bon, mais là, ce mariage, en effet, était un mariage forcé. Le mariage de Pirandello. Oui, Pirandello a dû épouser la fille de l'associé de son père. Absolument. Il ne la connaissait pas. Les fiancés ont été présentés à mi-chemin des maisons qu'habitaient chacune des familles, en présence des parents. De rencontre, enfin. Et donc, alors le père de la femme de Pirandello était férocement jaloux de sa fille. C'est déjà un élément, évidemment. Déjà, la famille, donc sa femme, était très, très perturbée. Très intéressant. Une jalousie, enfin, je ne peux pas dire paranoïaque, parce que je... Incestueux, peut-être, mais qui ne peut pas être dit. Si je peux citer encore une anecdote, vous savez que tout jeune, Pirandello a été faire ses études à Bonn, en Allemagne. D'ailleurs, il y fait allusion à un moment donné dans la pièce, enfin, le nom de Bonn est signé. Il est parti et il avait été fiancé. Il était fiancé avant son départ, puis il est resté très longtemps absent. Et quand il est revenu, c'est pas du tout à la femme qu'il devait épouser, à une autre jeune fille, elle était devenue folle. Une première fois. Il faut dire qu'en Sicile, c'est troublant. Il faut dire qu'en Sicile, la folie est à l'état latent. Enfin, je veux dire que le Sicilien est toujours exalté, comme Henri IV. L'état d'exaltation, de surexcitation est très très fréquent chez les gens les plus normaux, disons. Et le passage à la folie est un tout petit peu, enfin, il suit un tout petit déclic. Que si vous voulez, comment voulez-vous que dans un contexte de civilisation pareil, autant d'énergie vitale, on a tous une énergie extraordinaire en soi qu'on ignore, comment voulez-vous que dans un contexte où tout est interdiction finalement et rigidité, que ça ne puisse pas, ne pas exploser finalement? C'est ce qui se passe. Et comme ce que vous racontez là nous introduit à ceci, c'est que Pirandello finalement a été mis devant le fait accompli d'un malheur. On lui a imposé quelqu'un de malade, si vous voulez. Il n'a même pas pu refuser, même s'il sentait que ça n'allait pas bien ou quelque chose comme ça. Et dans le fond, il a traîné ça toute sa vie. Et vous savez que le début officiel de la folie de sa femme, ce début a eu lieu quand l'affaire de Souffre du père et du beau-père a été ruinée par une inondation. Et la famille Pirandello et la famille de la femme ont perdu tout, et la dot en particulier. Et c'est là qu'elle a eu sa... Enfin, on dit qu'elle a eu sa première crise. C'est ça, et après la naissance de son troisième enfant, d'ailleurs. C'est-à-dire, on pourrait imaginer ceci, ça n'est peut-être pas une interprétation risquée, disons. C'est que le père, si jaloux de sa femme, lui a trouvé... Si jaloux de sa fille. De sa fille. Vous voyez, je fais déjà des lapsus, tout simplement parce que ce père a refilé, je dirais, à sa fille une propre image de lui, celui qu'il voulait, c'est-à-dire le fils de son associé, finalement. Il s'est prolongé dans la propre vie de sa fille. Hein, et celle-ci a dû, en miroir, je dirais, déclencher un délire de jalousie, comme son père était jalouse d'elle. Mais alors, comment vous reliez cela à Henri IV, à sa pièce Henri IV? Eh bien, justement, il y a un délire de jalousie aussi chez Henri IV, finalement, puisque ça se termine par le poignardage du rival. Mais alors, en plus, ce rival... Henri IV, ça serait le beau-père de Pirandello, si je comprends bien. Non, il ne faut pas aller si loin, parce que justement, ce que je vous disais, il y a des transpositions. Hein. Il ne faut pas rechercher typiquement la vie même de Pirandello dans sa pièce. C'est que des fantasmes passent et passent par plusieurs personnages différents. Mais de toute façon, on pourrait dire qu'il a déguisé le rival en gigolo. Mmh. Vous comprenez, avec cet aspect un peu ridicule, etc. Mmh. Mais il le tue quand même, à la fin. Mmh. Hein. C'est une sorte de sacrification, finalement. Mmh. Mais... Et on n'a pas parlé de Freud. Raymond Rouleau, c'est à vous d'en parler. C'est à vous d'en parler. Est-ce que vous vous êtes préoccupé un peu de... D'ailleurs, moi, j'ai cru repérer dans l'interprétation de Chaumette, à certains moments, justement, le bégaiement sur certains mots. Je pense qu'il a pensé à quelque chose de freudien, enfin. Il est évident que les idées étaient dans l'air, et pour cause. Et je ne crois pas que Pirandello ait échappé à cette inhibition. À coup sûr. À cette inhibition, quoi, vous voulez dire vis-à-vis de Freud? Vis-à-vis de Freud, oui. N'oublions pas que Freud a fait ses travaux, commencé ses travaux en 1907, vous comprenez? Ce médecin qui était avant un biologiste, hein, est devenu un médecin de l'esprit, mais paf, un propre chemin qu'il a fait avec lui-même, avec des amis comme Ferenczi, etc. Bon, mais alors, au moment où Pirandello écrit, Freud a déjà fait presque toute son œuvre. Mais... Elle existait. Mais ce qu'on voit mis en scène dans cette pièce et le point de vue de Pirandello, finalement, c'est comme un refus de l'interprétation de l'inconscient qu'il aurait pu avoir, puisque dans le fond, c'était un intellectuel. Il aurait, peut-être que dans le milieu romain où il vivait, c'était pas possible qu'il ait de tels contacts. Mais disons que là, il nous a donné qu'un portrait de la psychiatrie classique que je vous ai décrite un peu très, très rapidement tout à l'heure. Et dans le fond, maintenant, on envisage très bien de pouvoir dire qu'il y a des psychiatres et des analystes qui ne sont pas forcément psychiatres de toute façon, hein. Et des psychiatres qui sont analystes. C'est-à-dire que l'analyse ou la psychanalyse est quelque chose qu'on trouve même à la fac des lettres. Maintenant, on en parle à beaucoup de niveaux, si vous voulez. C'est pas du tout une faculté. Il n'y a pas de faculté de psychanalyse. Ça n'existera jamais, je pense. Mmh. Donc c'est quelque chose qui peut être un mode de pensée. Si vous Mais vous ne pensez pas donc qu'on puisse introduire Freud dans Henri IV de Pirandello? Absolument, on peut faire une interprétation freudienne de tout ce qui s'y passe, certainement. Mm-hmm. Mais est-ce que Pirandello lui-même en a été un peu conscient? Oui, bien sûr, il est très fin et je pense qu'il a revécu, si vous voulez, à travers ses personnages, toutes ces choses qui existent. Mais ça n'est pas dit en termes scientifiques, si vous voulez. Et c'est ça qui est très beau, finalement. Mais je faisais... n'a pas lu Freud, hein, je crois pas. Non, je crois pas. Enfin, il n'y a pas de trace. Ça fait rien, mais de toute façon, c'était dans l'air. Oui, certainement. Mais je pense que c'est ça qui est très beau, finalement. Oui, on pourrait dire aussi que 1922, c'est l'année où paraît Ulysse de Joyce. Oui, absolument. Il y a beaucoup de comparaisons à faire, sûrement. Certainement. C'est une époque d'une richesse inouïe. Mais vous n'avez pas tout de même, Pierre Sadoul, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question que je posais tout à l'heure, qui me paraît importante. C'est sur la différence que fait Freud entre la folie et la non-folie, ou plutôt la non-différence. C'est-à-dire qu'il refuse que le fou soit considéré seulement comme un fou, que la folie soit une insulte, par exemple, qu'on puisse insulter les gens en les traitant de fous. Et il dit à tout moment, après tout, qui est le fou ici? Vous croyez-vous normaux parce que vous menez telle vie, etc., n'est-ce pas? Et puis alors, il y a toutes ces images qui reviennent constamment dans ce théâtre sur, qu'a évoqué tout à l'heure Dominique Fernandez, sur la mobilité de la vie, sur le fait que la vie est une chose continuellement mouvante et qui vous échappe, n'est-ce pas? Et que lui, justement, a essayé de figer cette vie dans une espèce de moment d'éternité, mais dont il s'aperçoit finalement qu'il ne peut pas durer éternellement. Et cette différence donc entre ce qui est l'aliénation et ce qui ne l'est pas, est-ce que vous croyez que vous trouvez qu'elle est bien marquée là-dedans et est-ce qu'elle correspond à une réalité? Oh, je pense, c'est une pièce extrêmement vivante pour ça, si vous voulez. C'est-à-dire que, quand même, moi je vous faisais un élément de réponse avec ces recherches sur, disons, l'histoire de chaque individu. Dans le fond, où on arrive à découvrir qu'un individu peut être un symptôme d'une collectivité quelconque, hein, en plus de sa propre histoire personnelle. Mais d'un autre côté, il est évident que quand on est fou, on est enfermé, c'est-à-dire qu'on gêne. Bon. Mmh. Lui, il est déjà enfermé dans sa pièce, vous comprenez ? Mmh. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas d'ailleurs à répondre très directement à votre question. Mmh. J'ai plutôt envie Je veux dire qu'il y a une espèce de, si vous voulez, implicitement, il y a chez Pirandello une défense, en quelque sorte, de la, non pas une défense de la folie, mais qu'il veut protéger le fou contre les agressions de la société, contre la méchanceté que peuvent exercer en particulier son psychiatre. Et c'est là où il est thérapeute, justement, voilà. Même. Seulement, il n'a pas réussi avec sa femme, probablement. Mais Guy Dumur, il y a autre chose. Il y a une réplique très moderne et bouleversante quand il dit, on accuse les gens d'être fous pour avoir le droit de les enfermer sans remords. Exactement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays. N'est-ce pas qu'on... On déclare les gens fous pour des raisons politiques et on les élimine du circuit comme ça. Oui. Il défend non seulement les fous, mais il défend aussi contre la possibilité d'être accusé de fou. Cela dit, quand vous dites dans certains pays, est-ce qu'on ne pourrait pas dire partout ? C'est plus voyant dans certains pays où c'est effectivement pour des raisons politiques. Mais si on en croit, par exemple, un livre comme celui de Deleuze et Guattari, on s'aperçoit que, par exemple, pour eux, c'est le capitalisme qui fabrique la schizophrénie, par exemple. Tout ça, ça se défend très bien. Mais par exemple, imaginez aujourd'hui qu'il existe à Paris, par exemple, une institution qui s'appelle l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. C'est quand même saisissant que donc la préfecture de police est une institution psychiatrique, par exemple. Bon, il s'agit en fait d'un rôle de protection probablement. Enfin, ça a été voulu comme ça il y a 100 ans, ça a plus de 100 ans, cette institution-là. Mais tout le personnel qui travaille là est un personnel de la préfecture de police, y compris les médecins qui sont payés par, si vous voulez. Donc, ça a pour rôle de placer des gens qui sont réputés pas sains d'esprit, quoi. Vous avez sur la voie publique quelqu'un qui commet des délits, et le commissaire d'ailleurs avec grande finesse souvent se rend compte que c'est des délits qui ne sont pas des délits de psychopathe ou de type conscient, et à ce moment-là il l'envoie là pour justement une solution thérapeutique. Ça aboutit à l'internement de toute façon, si vous voulez. Et moi je vis tous les jours deux choses, un rôle de gardiennage et en même temps autre chose dans d'autres institutions, un rôle justement où on essaye par la psychanalyse, par la compréhension de... Mais il y a une chose, je crois qu'il faut le dire, parce que on peut dire que la folie, c'est très particulier comme problème. Alors, Pirandello essaie toujours, dans Henri IV, de ramener ça au problème courant et au problème des mots, parce qu'il dit à un moment, il prend le mot fou au sens le plus courant. Il s'élève contre ceux qui disent « tu es fou », comme on dit dans la vie courante. Et il compare avec « tu es imbécile », je crois. Oui. Cette espèce de stigmate dont on marque un enfant particulièrement, quelqu'un pour s'en débarrasser. Mmh. Et là, c'est une chose qui arrive dans la vie de tout le monde, n'est-ce pas ? Taxer quelqu'un de quelque chose, le figer là, et l'éliminer, et le rendre malade. Mais c'est très important, je crois, pour comprendre que ce n'est pas uniquement le problème de la folie clinique, Henri IV. C'est le problème de la folie de... Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ouais. On dit « enfant »,« infant », ce qui n'a pas la parole. Voilà. Bon. Mmh. Alors, est-ce que ce Henri IV a la parole dans son espèce de microcosme ? Et il dit, les mots sont comme les morts, n'est-ce pas ? On écrase les gens sous les mots, sous les morts. C'est très beau, cette réplique. Pierre Sadoul, pensez-vous qu'il puisse y avoir des fous heureux ? Ah, certainement pas. Je crois que la folie est vraiment un malheur personnel. C'est quelque chose de voir ces gens-là qui sont enfermés. Vous savez, on a l'impression souvent même, quand on voit un gars qui est fou depuis 20 ans, par exemple, eh bien, quand il vous raconte sa vie, on a l'impression qu'il vous raconte une déportation à Mauthausen. Mmh. Et c'est extraordinaire, cette impression-là. C'est terrible. Finalement, non, le fou ne peut pas être heureux, c'est pas vrai, c'est pas possible. Même un maniaque est quelqu'un qui souffre. Mais il s'en rend pas compte parce que tout va trop vite. Mais à un moment, il se déprime. Mmh. Oui, mais dans, pour Pirandello, la vie, ce qu'il appelle la vie, tout ce qui est quelque chose de terrible. Oui, oui. L'éparpillement de la vie. Mmh. C'est pour ça qu'il oppose à la ville une forme qu'on choisit, et qui, dans ce cas-là, la folie, voilà. Mais qui est un recours contre cette désagrégation quotidienne. Il y a des formes de folie qui sont des dissociations, la schizophrénie, par exemple. Lui, il s'est ramassé dans un délire, disons, mythomaniaque, quelque chose comme ça, et un peu paranoïaque aussi. Mais créateur aussi. Mais créateur, mais stéréotypé, attention. Oui, oui. Stéréotypé, et les conseillers extraordinaires sont là pour le rappeler, pour empêcher qu'il déborde trop de ses limites du château. Mmh. C'est ça qui est formidable, c'est que tout le monde concourt à le maintenir là dans son cocon, il concocte, tout simplement. Quoi. François Chaumette, alors est-ce que vous souffrez en jouant ce rôle? Est-ce que c'est dur? C'est difficile. D'entrer dans la folie. C'est surtout la nuit. D'entrer dans la folie et d'en sortir et d'y revenir. Non, pour un acteur, c'est extraordinaire. Mm. C'est la réalisation de l'acteur. Donc, je ne souffre donc, pas. Donc, vous ne vous opposez pas, comme Dominique Fernandez l'a fait tout à l'heure, à ce que je disais à propos du théâtre dans le théâtre. C'est que quand même, là, vous trouvez, finalement, vous jouez votre rôle de comédien. Mais bien sûr. Voilà, n'est-ce pas? Non? Bien sûr. Il me semble. Absolument. Non, si je souffrais, je ferais pas ça. Et d'ailleurs, ça rejoint extraordinairement l'impression, si vous voulez, que la première partie de la pièce, moi, j'ai pas cru une minute qu'il était fou. Je sais pas pourquoi, bien connaissant la pièce, mais si vous voulez, j'ai pas cru parce que ça se présente pas vraiment comme moi j'aurais senti un fou, si vous voulez. C'est quelqu'un qui jouait quelque chose, en fait. C'est pas une critique. C'est d'ailleurs ça. C'est la situation. C'est Raymond Rouleau. C'est que nous l'avons voulu. C'est la situation du personnage. Nous avons voulu représenter le grand cabotin. Nous avons d'ailleurs prononcé le mot pendant la répétition. La folie d'un masque, le thème du masque est fondamental pour... On dit que c'est un acteur extraordinaire et terrible. Oui. Et en même temps, c'est un homme sain. Oui. Dominique Fernandez, qu'est-ce que vous diriez pour conclure? Est-ce que vous croyez que le théâtre de Pirandello a encore une actualité profonde? Est-ce qu'il est ressenti par vos étudiants, justement, comme un théâtre appartenant au passé, comme un classique, si vous voulez, ou est-ce qu'il peut avoir encore nous apporter quelque chose, à la fois sur le plan esthétique et sur le plan humain? Je crois qu'il est très très présent, très actuel. Dans le sens qu'on trouve, comme on l'a fait aujourd'hui, des 1000 significations possibles dans une pièce, et comme il a écrit 25 pièces, et qu'il y en a comme 10 ou 12 qui sont des chefs-d'œuvre, enfin, il y a de quoi vraiment alimenter continuellement la curiosité et l'intérêt des nouvelles couches de spectateurs et de lecteurs. Est-ce que vos étudiants, par exemple, le ressentent, cela? Ils le ressentent comme une chose très proche. Et je pense que ces problèmes, tout ce qui est ambigu est très moderne, est ressenti comme très moderne. Quand il y a un problème, quand on se demande si quelqu'un est fou, s'il ne l'est pas, qui l'a rendu fou, c'est très très fortement ressenti. Aussi, il y a même des implications politiques, comme je disais tout à l'heure. Raymond Rouleau, je ne vous ai fait aucune critique, bien que ce soit mon métier, mais il y en a tout de même une que je voudrais vous faire, ou du moins sous forme de question. C'est que, à un moment donné, un des actes se passe à l'extérieur, dans une espèce de cour ou de jardin. Oui. Est-ce que vous croyez que vous n'avez pas rompu le rythme de la pièce en échappant à l'enfermement, justement, à l'idée d'enfermement? Mais encore une fois, je n'ai fait que suivre les indications de l'auteur. Oui, parce que Pirandello dit que dit très exactement que ça se passe dans une salle à côté de la salle du trône. Oui, mais c'est à l'extérieur, c'est un peu à l'extérieur, c'est ça que je voulais dire. Non, c'est une salle, c'est une villa en nombril, avec des terrasses comme il en existe. Vous savez qu'en Italie, on est tantôt dedans, tantôt dehors, quand on n'aperçoit pas tellement facilement. J'ai voulu faire une sorte de terrasse très close. Il n'y a pas de végétation, très peu, n'est-ce pas? Et dans cette mise en scène réaliste, il y a tout de même une espèce de, tout de même un petit côté symbolique. Je pense aux armures, par exemple, que vous éclairez à la fin de chaque acte. Oui. Qu'est-ce qu'elles signifient, ces armures? J'aurais souhaité qu'on comprenne, dans une certaine mesure, de quel monde il venait et dans quel monde il retournait. Vraiment un monde dément. La raison pour laquelle j'ai donné à ces armures des attitudes surprenantes pour des armures du Moyen-Âge. Puisqu'ils font les acrobates. Oui, c'est ça. Ils sont à la fois vivants et morts. Ils sont étendus sur des divans, ils écoutent aux portes. C'était simplement parce que j'attache une grande importance à la poésie chez Pirandello aussi. Je trouve qu'il y a des phrases admirables quand il dit le bruit des pas dans les chambres lointaines, n'est-ce pas? Il est certain que c'est un poète. Il ne faut pas oublier tout de même qu'Henri IV est également un poète. Henri IV et Pirandello. Oui, enfin, par l'intermédiaire de Pirandello. Vous venez d'entendre Raymond Rouleau à propos de Henri IV de Pirandello dans l'émission Mise en scène proposée par Guy Dumur, diffusée la première fois le 28 décembre 1973 sur France Culture, avec Raymond Rouleau, François Chaumette, Dominique Fernandez et Pierre Sadoul. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.